Landry se soumit et revint chez lui. Arrive le cadet Caillot qui vient lui vanter toutes les qualités de la fadette auprès de laquelle il aurait bien voulu avoir la place de Landry. Landry trouva un grand soulagement à entendre résonner cadet Caillot de la sorte et depuis ce jour-là, il fit une grande amitié avec lui et se consola un peu de ses ennuis en lui confiant. Et mêmement, il l'invita à s'intéresser à sa petite sœur Nanette. Le soir du départ de Fanchon Fadet, Landry voulut aller voir son père pour lui apprendre l'honnête conduite de cette fille qu'il avait mal jugée, et en même temps, pour lui faire, sous toute réserve quant à l'avenir, ses soumissions quant au présent. Il le cœur bien gros en passant devant la maison de la mère Fadet, mais il s'arma d'un grand courage en se disant que sans le départ de Fanchon, il n'aurait peut-être pas su de longtemps le bonheur qu'il avait d'être aimé d'elle. Il vit la mère Fanchette, qui était la parente et la marraine à Fanchon, laquelle était venue pour soigner la vieille et le petit à sa place. Et Landry entendit avec plaisir qu'elle lui parlait avec beaucoup de douceur et d'amitié. Mais, sitôt que le sauterillo fit passer Landry, il s'échappa des mains de Fanchette et courut se jeter dans les jambes du Besson, l'embrassant et le questionnant et le conjurant de lui ramener sa Fanchon. Il fallut que Landry le lui promit en soupirant, sans quoi il ne se fût point soumis à la Fanchette. Le père Barbeau ne s'attendait guère à la grande résolution de la petite Fadette. Il en fut content, mais il eut comme du regret de ce qu'elle avait fait, tant il était homme, juste et de bon cœur. « Je suis fâché, Landry, que tu n'aies pas eu le courage de renoncer à la fréquenter. Mais il y a aussi qui la défendent et qui m'ont assuré qu'elle était très bonne et très serviable pour sa famille. Que tu ne l'épouses jamais, Landry. Voilà tout ce que j'exige de toi. » « Mon père, dit Landry, nous jugeons la chose différemment, vous et moi. Je ne vous demande rien encore que de me pardonner les chagrins que je vous ai donnés. Nous parlerons d'elle plus tard, ainsi que vous me l'avez promis. » Depuis ce moment-là, il ne fut plus question de la petite Fadette à la Bessonnière.